échangeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand est là aussi. Il a fait le choix musical. Il s'occupe de la console. Il porte un chapeau. Aujourd'hui, une émission éclectique, tiens. Disons-le, comme ça. Qui commence avec du Broussac. Il y aura du Lizzie Mercier des Clous. Ouais, ça fait longtemps, ça. Lizzie Mercier de François de Roubaix. Toupidec Limonade. Quel joli nom. Un peu de Yardbirds. New Order. Désert. Ah, oui, on aime ça. C'est pour ça qu'on commence tout de suite. This is Bruce Hack. My music encompasses all forms, produced electronically on synthesizers which I have built. His disciples said, "He's busy, please go away." And when they said, "Please go away," Jesus said, "Please let them stay. Bring the little children to me." And when they said, "Please go away," Jesus said, "Please let them stay. Bring all the little children to me." All their questions. I will be their teacher and guide through the years. And because you bring them, because I know they need me, I will help, I will heal and dry their tears. And because you bring them, because I know they need me, I will help, I will heal and dry their tears. Lucky children who were brought to Jesus, I wish that every child had been right there. Even in a busy time, Jesus always made the time to give a little child his love and care. Even in a busy time, Jesus always made the time to give a little child his love and care. Children, how to live a life of strength and peace within. He will be beside you. He will help and guide you to bring little children to him. He will be beside you. He will help and guide you to bring little children to him.

ça commençait comme ça, les échangeurs, pour cette semaine. D'abord, Bruce Hack, qui nous faisait One Mothers of Salem, sur un truc qui s'appelle Preservation Tapes, donc une compilation de trucs qui étaient peut-être parus, pas parus, qui sont ressortis. Bruce Hack, qui est un Albertain d'origine, qui a étudié à la Juilliard et qui a été un inventeur assez prolifique aussi de trucs électroniques. Il est décédé en 88 à 57 ans en Pennsylvanie, lui qui venait de Nordegg, et il a aussi été connu sous le nom de Jacques Trapp et Jack Pine Savage, Bruce Hack. Donc il aimait le Jack. Il y a parmi ses inventions, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, j'y arrive ici, oui. The People Odeon. People Odeon, synthétiseur analogue. Il y avait le Mr. C, aussi un autre synthétiseur, Musical Computer. Puis, il a fait un vocoder en 1968 qui a appelé Farad à cause de Michael Faraday. Puis, beaucoup de choses intéressantes chez Bruce Hack. C'est un habitué de l'émission. On en a mis régulièrement. Plus régulièrement que Étienne Jaumet qui suivait, qui nous faisait le thème de Yo-Yo sur 8 regards obliques de 2018. On l'entendait jouer du saxophone. Il joue bien du saxophone. Il a étudié le saxophone au conservatoire et c'est bien débrouillé. Il était aussi claviériste et ingénieur du son, puis chose qu'il a étudié aussi. Et il a été dans le duo électro Zombie Zombie, puis du groupe rock aussi Married Monk. Puis vraiment, ce que j'ai entendu me laisse croire qu'on devrait entendre le reste à un moment donné, par petits bouts. Oui, ben, comme me dit Jean-Philippe, on en a déjà mis, mais on peut y revenir. On peut y revenir. Il a travaillé avec plein de monde, pour citer que les Red Hot Chili Peppers lorsqu'ils sont venus au Stade de France en 2012. On est passé ensuite Algebra Suicide, la pièce Tonight sur The Secret Like Crazy de 1987. On parle surtout, je suis toujours interrogé sur la prononciation de Lydia Tom Q. K-I-W. Bon, c'est ça. Alors, elle est née en 59 et morte en 2007 aussi, très jeune. Elle a connu son mari Don Ellecker en faisant dans une gig quelque part, et ils sont tombés amoureux et ils ont fondé Algebra Suicide. Ensuite, lorsque ça s'est fini, elle a continué sa carrière, on n'en avait pas mis. Est-ce qu'on en avait mis souvent? Non. Une fois. Quelques fois, me dit Jean-Philippe, mais je cherchais. Il me semble que j'avais parlé d'elle déjà il n'y a pas si longtemps. Lizzie Mercier des Clous, Hard Boiled Babe sur Press Color de 1979. Artiste française au départ qui a beaucoup vécu aux États-Unis. Ben, en fait, pas tant que ça, parce qu'elle aussi, malheureusement, est décédée assez jeune, à 47 ans. Elle était retournée en Corse, elle qui avait vécu à New York, beaucoup qui avaient été dans la vague New Wave. Oui, de la coloc à Patti Smith, à un moment donné. Alors, Martine Elisabeth Mercier, elle avait fait ajouter le nom de son père des Clous. Comme ça, probablement parce que ça faisait vraiment joli, les immersés des Clous. Et on a terminé avec un truc qui s'appelle Carole, la pièce solo, sur un 45 tours, en fait. D'un côté, il y avait Breakdown, et de l'autre côté, Solo, de 1982. Là, on est dans la New Wave, la Cold Wave belge des années 80. Donc il y a notre ami Snowy Reds Mickey Mike qui faisait la drum machine et le synthétiseur, et Carole qui chante. Du moins on pense que ça s'appelle Carole pour le vrai, puisque le groupe s'appelle Carole et on dit que c'est Carole qui chante. Alors on suppose que c'est Carole. Voilà. Et évidemment il n'y a pas une tonne d'informations sur eux, parce que il y a eu un 45 tours possiblement. Alors, c'est ce qui raccourcit un peu les choses qu'on peut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir du Nico, François de Roubaix, Toupinec Limonade, etc.

Thank you. Ça continue comme ça, les échangeurs d'air. Sachez que nous avons un blog qui s'appelle échangeurs d'air.blogspot.com sur lequel vous pouvez aller voir tout ce qui a joué et tout ce qui jouera même quand c'est au début de l'émission. Il y a souvent une jolie photo. aussi pour annoncer l'émission. Frozen Warnings, c'était Nico qui nous faisait cette chanson à partir de The Marble Index de 1968. Difficile de parler de Nico sans répéter tout ce qui a déjà été dit sur elle. Krista Pavigan, qui a été mannequin, chanteuse, actrice, qui a joué dans la Dolce Vita aussi. Qu'est-ce qu'elle elle a joué dans Striptease de Jacques Poitrenaud et elle a eu un fils qui s'appelle Harry, A-R-I, dont le père serait Alain Delon. Et des potins, Alain Delon trouvait qu'il lui ressemblait pas. Et pourtant, puis elle a eu une carrière qui est un peu étrange parce qu'elle-même avait des comportements parfois un peu particuliers. Mais il y a beaucoup de ces trucs qui ont marqué non seulement leur époque, mais qui sont encore rejoués aujourd'hui, qui sont encore utilisés, qui ont été transformés, etc., etc. Donc une carrière qui a marqué l'histoire. François de Roubaix faisait Plongée de glace sur un album qui s'appelle L'Antarctique et autres séances électroniques rue de Courcelles. C'est paru en 2009, donc des trucs qui ont été récupérés. François de Roubaix, c'est un musicien autodidacte. Son père, Paul, produit et réalise des films, ce qui fera possiblement de François un compositeur de musique de film. Il a fait des trucs qui ont été vraiment très, très, très célèbres. Le Scoumoun, Les Aventuriers et surtout Le Vieux Fusil. Ça, puis c'est un adepte de plongée sous-marine, comme on peut le voir dans le titre de la pièce, et c'est ce qui a amené son décès aussi, où est-ce qu'il est allé plonger aux îles Canaries. Sans fil d'Ariane dans des grottes, dans une grotte sous-marine, et la turbidité de l'eau empêchait lui et son collègue de retrouver la surface, malheureusement. Toupidec Limonade suivait avec Nounours, sax de couchage sur l'album Il y a des nuits et des nuits. Toupidec Limonade, à part d'avoir un des plus jolis noms de toute la musique, c'est un groupe français dans lequel il y avait Jean-Caël Quetapleu et Denis Tagui. En groenlandais, les Toupidec, c'est des petites statues sculptées dans des eaux de baleines. Puis qui représente des monstres marins avec des pouvoirs magiques. Puis c'est toujours très plaisant, Toupidec Limonade. Puis on se demandait s'il existait encore ou s'il y avait des trucs qui se faisaient. On n'a pas retrouvé vraiment de mention. Il a sorti un disque il y a quelques années, mais quoi? Encore, que font-ils? The Festival of Death, c'était une édition de Jean-Philippe qui en a coupé un petit bout parce que l'album Eskimo, The Residents, est un des albums les plus étranges que les Residents ont fait, et un des très bons aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur cet album, c'est mot de 1979. Alors les Residents qui ont toujours gardé cette aura de mystère. Moi, j'ai décroché il y a longtemps. Il y a beaucoup de choses que j'aimais plus, que je trouvais un peu répétitives, mais il y a plusieurs choses qui sont parmi les meilleurs trucs que j'ai entendus de ma vie. The Commercial Album, entre autres, pour moi, c'est vraiment un très, très grand album. De tous les temps et de tous les genres. Voilà. Et nous avons terminé avec les Rita Mitsuko sur leur premier album, Rita Mitsuko de 1984, La fille venue du froid. Parce qu'effectivement, c'était quand même un bloc consacré au froid. Voilà, parce que nous avons eu froid récemment, selon Jean-Philippe. Surtout qu'il attend l'autobus pendant plusieurs longues minutes. Puis ils ont, par exemple, Jean-Philippe est allé sortir, il a fait ça récemment aussi, les pièces moins connues, qui n'étaient pas des tubes des Rita Mitsuko, et il y a beaucoup de bons trucs là-dedans, qui sont des trucs un peu plus sombres parfois, tout ça qui n'était pas destiné à devenir des tubes radio, et la pièce qu'on a entendue sortait de là. Ça, on n'était pas dans la danse de Marcia Bayer ou des Andy. Oui, mais c'était sur le même disque qu'Andy, que Marcia Bayer, pardon. Alors, c'était sur le même disque, mais on changeait complètement de style. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est The Yardbirds, Ideal, New Order, toutes sortes de choses. Day will dry them, night will find they are lost. Now I find the wind is blowing time into my heart. Let the rain fall, for we are apart. How I'm sad. In der glühend heißen Sonne liegen sie narkotisiert am Rand der Wüste. Der Sand ist weiß, kein Schatten weit und breit, die Cola kocht, man liegt im eigenen Schweiß. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex. Sex in der Wüste. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex. Die Luft vibriert, die Sonne sticht in heller Haut und nichts geschieht. Nur ein Gefühl wird gestaut. Der Wind ist still, der Himmel endlos blau, die Leiber rot gebrannt, liegt man im Sand. Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex. Sex in der Wüste. Der Horizont rückt näher, und was keiner weiß, jeder denkt das eine, doch dafür ist zu heiß. Sex. Sex in der Wüste. Sex. Collapsing without warning, new faith inside there's Thank you. summer than late. Will we touch each other's noses and concentrate on giving us kisses on the face? Oh, Ben, ça se termine comme ça. Oui, c'est terminé pour nous. Évidemment, je vais vous dire ce qui a joué, mais avant ça, je vous dis que Benoît Arcan est là, prêt à faire un terrain vague. Il semble hyper concentré. Aujourd'hui, pour terminer, nous avons eu d'abord The Yardbirds, Still I'm Sad sur Having a Rave Up with The Yardbirds de 65. C'est un groupe qui s'est amusé à collectionner les guitaristes aussi Anthony Top Topham, Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page. C'est ça, Clapton est parti rejoindre John Mayall pour former Cream. Page a fondé Led Zeppelin, etc. Jeff Beck a fait une carrière solo remplie. Alors, il y avait un certain goût pour les guitaristes qui ont été populaires dans la vie. Alors, ils ont été actifs de 62 à 68 et on dit depuis 92, mais on n'en entend pas parler tant que ça. Pour des raisons que j'ignore. Voilà, des raisons que j'ignore absolument totalement. Ensuite, Ideal, ou Heidi, il nous faisait Sex in der Wüste, le sexe dans le désert. C'est ça sur un album qui s'appelle Der Ernst des Lebens. Ideal, d'ailleurs, je vous promets que ma prononciation allemande devrait être parfaite un jour parce que je vais sur Babel. Parce qu'il faut que j'aille en Allemagne bientôt. Ben oui, comme tout le monde. Ideal, c'est un groupe de Deutsche Welle allemand, originaire de Berlin. Puis ils ont vraiment été populaires à cause de trois morceaux, surtout Blauhagen, Monotonie et Berlin. Puis il y avait j'aime beaucoup ce genre de note là, Annette Amp, Ulrich Döcker et bien d'autres qui ont joué avec le groupe. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? New Order. Joy Division s'est terminé et New Order est arrivé. Dubs Everywhere, Dubs Even Here, pardon, sur l'album Movement de 1981. Alors, c'est après le décès de, comment s'appelait-il, le chanteur de Ian Curtis, voilà, de Joy Division. Et les membres restants ont décidé de s'en aller fonder New Order, qui ont eu un grand succès. Vraiment un très grand succès. Ils sont devenus plus pop par la suite qu'ils l'étaient au début. Au début, ils étaient plus post-punk. On rit bien en disant post-punk. Puis ensuite, ils sont devenus un peu plus new wave dance rock aussi. Puis ils sont actifs, semble-t-il, encore depuis 2011. Mais eux aussi, on n'en entend pas parler. Voilà, c'est ce qui arrive, qu'on n'en entend pas parler. Désert nous faisait Lovely Lady of the Roses, une chanson que j'aime beaucoup sur Lunga Notte de 82. Groupe très peu connu, quand même, un autre groupe belge sur lequel il n'y a pas des tonnes d'informations. Il faudrait faire plus de recherches, mais ce n'est pas le but de l'émission d'aller fouiller absolument partout, sauf pour ce qui est de trouver la musique. Ensuite, pour l'expliquer, ben, c'est moi qui s'en occupe, alors on va pas si loin. 17 Pygmies suivait avec la pièce Lazarus tirée de Jedi by the Sea de 1984. Un groupe de Californie qui a été actif de 91 à 2007 et encore, en fait, en 82 jusqu'en 91. Ils se sont arrêtés puis ont repris. Il semble-t-il qu'ils sont encore actifs eux aussi aujourd'hui. Et on a terminé avec Minimal Compact qui nous faisait Creation is Perfect, I Am a Camera sur l'album One de 1981. Groupe post-punk et new wave de Tel Aviv. Mais ils sont allés s'installer à Amsterdam à un moment donné pour des raisons qui n'appartiennent qu'à eux. Et maintenant, tout ce qui me reste à vous dire, c'est quoi? Ben, à la semaine prochaine.